Quand vous avez l'air maintenant de si bien maîtriser l'impératif, hein, qui permet de donner des ordres, je suis tenté de passer à autre chose. Donc, nous allons passer au subjonctif. Les subjonctifs et l'impératif sont étroitement liés, comme nous allons le voir. Mais je voudrais d'abord expliquer ce dont nous parlons quand nous parlons de subjonctif. Quand vous dites par exemple en français « Je veux que vous soyez là », qu'est-ce que c'est que « soyez » ? Un subjonctif ? Oui, c'est ça. Hein. On ne dit pas « Je veux que vous êtes là », mais « Je veux que vous soyez là ». Hein. C'est du subjonctif. Un autre exemple. Si vous voulez dire « Il doit y aller », vous pouvez aussi dire « Il faut » qu'il y aille. Voilà, c'est ça. Qu'il y aille et non, il faut qu'il y va. Hein? Et il est possible qu'elle ne vienne pas. Et non, qu'elle ne vient pas. Oui, tout à fait. Hein? Il est possible qu'elle ne vienne pas et non, il est possible qu'elle ne vient pas. Dans toutes ces phrases que je viens de vous donner un exemple, on emploie le subjonctif à la fois en français et en espagnol. Mais sachez que le subjonctif est beaucoup plus courant en espagnol qu'en français. Enfin, l'important, c'est de savoir l'utiliser. Mais revenons à nos exemples. Que vous soyez, qu'il y aille, qu'elle ne vienne pas, on utilise ici les subjonctifs, hein, comme en français, parce que ces verbes sont précédés de « je veux que », « il est important que », « il est possible que », etc. C'est-à-dire qu'on exprime ici non pas des réalités objectives telles que « vous êtes là »,« j'y suis allé », »,« elle ne viendra pas », hein, non. Ici, on exprime quelque chose de subjectif. Le mot « subjonctif » vient d'ailleurs de « là ». On exprime un souhait, « je veux que », une opinion, « il est important que », une hypothèse, « il est possible que ». Quand vous dites par exemple